Bien entendu, il est possible de descendre en route. Voilà, toutes les boules sont maintenant dans la sphère. Elles y sont bien toutes les 49. Et la première d'entre elles va tomber, la voici. 96 millions de centimes, bravo. Il fallait jouer ce soir. Eh bien, décidément. Surprise, que nous réserve-t-elle la deuxième boule? Ah, ça change un petit peu. Bravo. Voilà, eh bien, je vous dis bonsoir et je vous souhaite bonne chance. La chance, c'est le hasard quand il est gentil. La chance, explication de la réussite des autres. Quoi qu'il arrive, on joue. On frissonne en risquant sa fortune. La vie à ce moment-là s'accélère et prend forme. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi ça? Je suis le chat rouge. Un réfrigérateur, 4 saisons, en 2 portes d'Ariston. Congélation, moins 30 degrés. Réfrigérateur, moins 5 degrés. Bac à légumes, moins 7 degrés. Et zone 0 degré pour les viandes et poissons. Mais quand je dis belle somme d'argent, ça veut dire belle somme. Vous pensez combien ? 10 000. Vous pensez ? Elle pense 10 000, alors que nous pouvons aller jusqu'à... Thank you.